qui t'hébergisse des saints téméraires, et que voulez-vous faire? Chantez sur vos chalumeaux ce qu'Apollon sur sa lyre, avec ses chants les plus beaux, n'entreprendrait pas de dire. C'est donner trop d'efforts au feu qui vous inspire, c'est voler vers les cieux sur des ailes de cire pour tomber dans le fond des eaux. Pour chanter de lui l'intrépide courage, assez grand pour en tracer l'image. Le silence est le langage qui doit louer ses exploits. See you.